Les enfants au 32e campement international de Sandowon ont visité Mangyongdae, pays natal du président Kim Il-sung. Ils ont visité aussi le palais des enfants de Mangyongdae, le palais des sciences et techniques, le delphinarium de Jungna, le muséum et le zoo central.